J'ai voulu voir la mort pour effacer mon être. Rencontrer l'indolore, n'espérant pas renaître. Mais elle n'est pas venue et je n'ai pas osé au devant d'elle aller tenter d'en mal acheter. Faudra-t-il qu'elle soit grande cette vaine souffrance pour que mon bras tremblant sous la prévoyance entame mal à pile les lambeaux de ma vie et achève en silence que crée mon envie. Profiter de l'instant sans jamais espérer le revivre à nouveau sans chercher à savoir si les moments d'extase peuvent durer ou revivre, si les bonheurs donnés ont un prix ou un temps. De miroir, de ces joies du passé, de ces moments éteints, que jamais mon esprit n'a réellement su croire, que jamais ma raison ne me prend dans sa main. Et cette vie qui s'achève, et cette mort qui approche, peinant à malgré moi cela même qui en vain. Essayer de ranimer ce à quoi il s'accroche, cet enfer qui est pour moi la vie et son dessein. Donner ou t'en prie ou attendre.